Audiomatique. La transmission 205 d'Audiomatique s'ouvrait avec le groupe allemand Neurotic Fish et leur chanson Ultra Hymn de leur premier album No Instruments, paru en 1999. Audiomatique est dispensable et essentiellement inutile. Rien ne sert de l'écouter et encore moins de l'animer. Néanmoins, les électronistes sont d'avis que les choses vaines et les moments futiles sont nécessaires, puisque seuls peuvent créer le vide qui permet à la vie de respirer et de prendre de l'expansion.

Audiomatic. Il s'agissait du défunt groupe américain Overcraft et leur composition Transmitter Down, tirée de leur deuxième et dernier album studio Experiment Below. Précédemment à Overcraft, nous avions droit au groupe espagnol DeLorean qui nous interprétait la chanson Infinite Desert, parue sur leur quatrième album Subiza, lancé en 2010. Audiomatic se poursuit maintenant avec le groupe anglais Editors. My eyes as you walk out. fear, it is near. The shape becomes ever clear. Pepper's teeth, extra sharp. Venom cuts you in the heart. It attacks really quick. Try and fight it with a stick. There's no use, give it up. This is life and this is Nous venons tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe américain Grizzly Bear et la pièce Alligator, Choir Version, à laquelle participent des membres des groupes Dirty Projector et Beirut. Cette version est tirée du mini-album Friend, qui qui n'a pas été innocemment intitulé, puisqu'il regroupe des pièces qui ont été faites en collaboration avec leurs amis artistes, ainsi que des chansons de Grizzly Bear reprises par d'autres formations. Et pour débuter ce bloc musical, nous vous présentions Editors et la chanson Camera, extraite de leur premier album The Back Room. Nous terminerons la transmission 205 d'Audiomatique avec le projet Biobazar mené par le trifluvien Danny Janvier. De son album Alphabet 7, nous entendrons la pièce Fog Odyssey. Pour en découvrir davantage sur l'œuvre de Biobazar, nous vous invitons à consulter son profil au biobazar.bandcamp.com. Nous pouvons d'ores et déjà vous confirmer que nous serons de retour mercredi prochain sur les ondes de C'est fou afin de vous offrir la transmission 206 d'Audiomatique à compter de 17h. En plus d'animer en direct, nous nous faisons un devoir de rendre disponibles nos émissions passées en version numérique sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Biobazar avec la pièce Fog Odyssey. C'était Audiomatique avec les électronistes. Thank you. ça peut rester jusqu'à 30 jours dans votre salon. Alors donc, on ne saura pas si vous avez fini ou pas, voilà, une heure. Et ça, c'est le problème. Autre article intéressant, c'est dans le Guardian, le quotidien anglais.